le président de la République française assassiné par un terroriste. Histoire vraie ou fake news? Est-ce que dans le passé, un président de la République française a été assassiné par un terroriste? À cette question, l'historien peut répondre oui et non. Car ce n'est pas un, mais deux présidents de la République qui ont perdu la vie, frappés à mort par des terroristes. Le premier s'appelait Sadi Carnot, assassiné en 1894 par un anarchiste italien d'extrême gauche, et le second s'appelait Paul Doumer, assassiné en 1932 par un nationaliste russe d'extrême droite. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'attentat qui coûta la vie à Sadi Carnot. Petit-fils de Lazare Carnot, célèbre mathématicien, qui fut membre du comité de salut public en 1793-94, Marie-François Sadi Carnot fut élu président de la République en décembre 1887. Malheureusement pour lui, le contexte social et politique dans lequel il exerça son mandat était exécrable. Les grèves se multipliaient en raison de la crise économique que traversait le pays. S'ajoutait à cela le scandale de Panama, auquel étaient mêlés un grand nombre d'élus républicains, et la multiplication des attentats anarchistes. La désaffection à l'égard du régime républicain fit le jeu des nationalistes et des monarchistes qui poussaient le très populaire général Boulanger à s'emparer du pouvoir. Sadi Carnot, ayant refusé d'accorder la grâce présidentielle aux anarchistes condamnés à mort, faisait l'objet d'une haine tenace au sein de ce mouvement. Le 24 juin 1894, après avoir participé à un banquet organisé au Palais du Commerce de Lyon, il prend place à l'arrière d'une voiture décapotable basse, en compagnie du maire de la ville. Vers 21h15, alors que le convoi s'est engagé dans la rue de la République et que le chef de l'État salue une foule compacte, surgit un individu qui monte sur le marchepied de la voiture et le poignarde mortellement. L'assassin est immédiatement arrêté. Il s'appelle Sante Geronimo Caserio, un anarchiste italien de 20 ans. Né dans une famille très pauvre, contraint de quitter son village à l'âge de 13 ans pour aller travailler à Milan, il entre très vite en contact avec des anarchistes. Il apprend alors le langage politique qui lui permettra de nommer et de justifier la haine qu'il a accumulée contre une société injuste. Pourchassé par la police, il s'exile d'abord en Suisse, puis à Sète. Caserio justifiera son crime pendant son procès en ces termes. « Eh bien, si les gouvernements emploient contre nous les fusils, les chaînes, les prisons, est-ce que nous devons, nous les anarchistes qui défendons notre vie, rester enfermés chez nous? Non. Au contraire, nous répondons au gouvernement avec la dynamite, la bombe, le stylet, le poignard. En un mot, nous devons faire notre possible pour détruire la bourgeoisie et les gouvernements. Vous qui êtes les représentants de la société bourgeoise, si vous voulez ma tête, prenez-la. » Il sera exécuté le 16 août 1894. L'extrême émotion suscitée par ce crime, amplifiée et entretenue par la grande presse, provoque immédiatement des émeutes anti-italiennes dans plusieurs villes de France. À Lyon, les maisons et les commerces des Italiens sont incendiés et pillés. Pris de panique, plusieurs milliers d'entre eux s'enfuient pour éviter d'être lynchés. Au total, 1300 personnes seront arrêtées au cours de ces émeutes et 348 condamnées à des amendes et des peines de prison.